En signe de félicitations au camarade Kim Jong-un pour son élection au poste de président du Parti Travail de Corée, les meetings, débats, expositions de photos et de livres et séances de films ont eu lieu du 10 au 17 en Suisse, au Nigeria et à l'Angola, en présence des personnalités et habitants de divers milieux. Dans les salles de cérémonie, il y avait les photos sur des exploits du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du camarade Kim Jong-un, les œuvres des grands hommes Paktusan, les livres sur leur grandeur et les photos sur la lutte des militaires et civils coréens qui ouvrent l'apogée dans l'édification d'une puissance prospère. Aux séances de film, on a projeté le documentaire coréen « Célébration solennelle du 70e anniversaire de la fondation du Parti Travail de Corée » en présence du respecté camarade Kim Jong-un.